Il a été le premier Français condamné pour crime contre l'humanité, le deuxième étant Maurice Papon. Paul Touvier, ancien milicien, spécialiste du renseignement et du fichage, proxénète, collaborateur zélé, antisémite notoire, délinquant de droit commun, maître chanteur et dévot affiché. Et peut-être même, c'est en tout cas la conviction de M. X, indicateur de police. Deux fois condamné à mort par contumace en 1946, Touvier a plongé dans la clandestinité avant même la libération de Lyon. D'abord caché chez un prêtre, il vit d'expédients, commèdes et hold-up avant d'être arrêté en 1947 pour sa participation à un complot d'extrême droite. Mais, très mystérieusement, il s'échappe avec une grande facilité, ce qui fait penser qu'en fait, on l'a laissé fuir. À partir de ce moment, Touvier, malgré les recherches dont il devrait en principe faire l'objet, vit dissimulé dans sa maison familiale de Chambéry. Soutenu par des ecclésiastiques qui partagent ses affinités politiques, il s'entend aussi habilement inspirer la pitié à des gens qui ignorent souvent son passé. Se posant en proscrit, il arrive ainsi à abuser des personnalités du showbiz telles Jacques Brel. Enfin, en 1967, ces deux condamnations à mort étant prescrites, il va entreprendre une vaste entreprise de lobbying afin d'obtenir une grâce présidentielle qui lui permettrait notamment d'entrer en possession de l'héritage paternel et d'annuler la confiscation de ses biens. Et en 1971, il obtient de Georges Pompidou ce que lui a refusé le général de Gaulle. Mais quand l'information transpire dans la presse, c'est le scandale. Touvier, qui était quasiment oublié, fait la une des journaux, et ce personnage emblématique de la collaboration et de ses exactions doit retourner à la clandestinité. Il n'en sortira qu'en 1989 entre deux gendarmes. Un dernier mot avant d'écouter la suite du récit de M. X. Un jour, cet ultra-catholique se confie à un ami. Et dans un rare moment de faiblesse, il livre une partie de sa vérité. Je cite. « Toute ma vie n'a été qu'une énorme tromperie. Je crois bien que j'arriverai à tromper Dieu, qu'importe. Je suis bien à ce point où Dieu et le diable ne font qu'un. » Il faut d'abord bien comprendre le contexte juridique qui va finalement conduire Paul Touvier à sa perte. Lorsqu'en 1968 ou 67, je ne sais plus, la prescription de ces deux condamnations à mort par contumace est acquise, les peines annexes échappent à cette annulation. L'ancien milicien demeure toujours interdit de séjour dans la région Rhône-Alpes et ses biens font encore l'objet d'une mesure de confiscation. Et c'est ça qui le préoccupe. Préoccupations uniquement matérielles. En effet, Touvier a toujours été très sensible à cet aspect des choses. N'oubliez pas que, pendant la guerre, il s'est livré aux raquettes et aux pillages. Surtout le pillage des biens juifs. Naturellement. Et puis ensuite, il est parti avec une partie du magot de la milice. Donc, ce qu'il désire par-dessus tout, c'est de pouvoir entrer officiellement en possession de son héritage et de la maison paternelle. Une maison. Vous rappelez qu'il occupe illégalement depuis de longues années avec sa femme et ses deux enfants. Hein? Bien sûr, puisqu'il est interdit de séjour à Chambéry. Et pendant 4 ans, il va tout faire pour obtenir la grâce présidentielle qui, seule, pourra annuler ses peines accessoires. Et pour ce faire, il mobilise le banc et l'arrière-banc de l'église catholique et abuse quelques grandes figures intellectuelles. Ouais. Ben, voyons ça dans le détail. Hein? Vous avez raison, car c'est assez inouï. La cheville ouvrière de cette campagne, c'est un prélat lyonnais. Monseigneur du Caire, qui est alors secrétaire du cardinal Gerlier avant de devenir celui du cardinal Villiot. Qui est ce prélat là? C'est un ecclésiastique issu de la grande bourgeoisie lyonnaise. Il a rencontré Touvier très tôt, à la fin des années 50, par l'intermédiaire du curé qui a marié clandestinement l'ancien milicien. Clandestinement parce que, encore il faut un petit rappel, parce qu'il n'a pas préalablement contracté un mariage civil. C'est ça. Donc aux yeux de la loi, ce mariage n'est pas valable. Charles Ducaire, dès cette première rencontre, est ému et rapidement convaincu que Touvier est une victime. Pardonnez-moi d'être aussi abrupt, mais cet ecclésiastique-là, connaît-il l'histoire récente de notre pays? Ça semble en effet assez aberrant, mais pour lui, il y a cet homme contraint de se cacher, et aussi sa famille, qui subit les conséquences de cette clandestinité dont elle n'est pas responsable. En outre, mais vous l'aurez sans doute compris, Ducaire ne doit pas être loin de partager les idées de Touvier. Touvier, qui on aura la preuve plus tard lorsqu'on mettra la main sur ses papiers, est resté résolument antisémite. Donc ce monseigneur du Caire est vraiment décidé à épouser la cause de Touvier. Ce sera même la grande œuvre de sa vie. Là, vous poussez le bouchon un peu loin. Non, pas du tout. À partir du moment où Duquerre a rencontré l'ancien milicien, il va faire de la réhabilitation de Touvier une véritable urgence. Pour le martyr, Touvier, comme il ose l'appeler, il se dépense sans compter. Et il n'hésite pas à frapper à toutes les portes, même les plus inaccessibles. Il ira jusqu'à essayer d'extorquer sur son lit d'hôpital un certificat favorable à Touvier à un ancien résistant. Et comme cet homme refusera, il ira ensuite voir son épouse. Non, Monseigneur Duquerre n'a renoncé à aucun effort pour obtenir la grâce de l'ancien milicien. Alors, plus précisément, comment pratique-t-il ? Avant même 1967, c'est-à-dire la prescription des deux condamnations de Touvier, le prélat s'agite. Et il commence bien sûr par aller voir les gens qu'il connaît le mieux. Et d'autres ecclésiastiques. Oui, le premier, c'est ce fameux abbé Vautrin. Oui. Celui-là, c'est pas un héros de Balzac, c'est l'aumônier de la milice. Hein. Oui, libéré après avoir purgé une peine de prison. Oui, lui aussi, condamné. Oui. Hein. Vautrin, qui est aussi le fondateur d'un ordre religieux dont on reparlera, si vous voulez bien, les chevaliers de Notre-Dame. En tout cas, là, c'est pas bien glorieux comme recommandation au milieu de la milice. Hein. Non, là, je suis d'accord avec vous, mais Duquerre, qui connaît bien son monde, retournera voir Vautrin alors que celui-ci est au seuil de la mort. Et lui fait à nouveau signer un texte favorable à Touvier. Pour Duquerre, un prêtre qui va bientôt comparaître devant Dieu ne peut pas mentir, quel qu'ait été son passé. Et ce texte fera une forte impression sur des catholiques sincères, comme, par exemple, le célèbre colonel Rémy. Le grand résistant. Dans son inlassable quête, Charles Duquerre se rend aussi chez le philosophe chrétien Gabriel Marcel. Et il trouve les mots pour l'émouvoir. À tel point que Gabriel Marcel accepte de rencontrer le protégé de Mgr Duquerre. Mais lorsque, plus tard, après 1972, le philosophe découvrira qui était en réalité Touvier, furieux d'avoir été abusé, il écrira en parlant de l'ancien milicien « Cet homme est un scélérat qui m'a menti sur toute la ligne. » Jacques Brel n'a pas réagi autrement. C'est exact. Mm-hmm. Duquerre a également recueilli le témoignage de deux anciens policiers qui, arrêtés en août 1944 par la milice, ont été libérés grâce à Touvier. Ouais, août 1944, on est bien près de la libération. Et même des miliciens aux mains couvertes de sang pouvaient avoir envie de donner des gages de bonne volonté aux futurs vainqueurs. Enfin, quoi qu'il en soit. Jusqu'à maintenant, il faut bien reconnaître que le bilan de Mgr Duquerre est plutôt maigre. Ah, quand même. L'ecclésiastique a réussi à pêcher dans ses filets le colonel Rémy et Gabriel Marcel. Et aussi Raoul Follereau, l'infatigable pèlerin de la lutte contre la lèpre. Mais vous avez raison, il est certain que ça ne suffit pas à obtenir une mesure de grâce. Mmh. Oui, parce qu'en plus, à part les attestations des deux policiers, il n'y a rien de factuel. Hein. Bah aussi, le prélat doit-il persévérer. Ouais. Et Touvier, de son côté, alors, participe-t-il activement à cette campagne de réhabilitation? Bah, bien évidemment. Et il a imaginé une stratégie assez perverse. Ah ben, il faut expliquer, là. Il prospecte systématiquement toutes les institutions religieuses de la région. Il se présente sous son nom d'emprunt. Mais c'est celui de sa femme, elle nous dit. C'est cela, oui. Mais alors, que cherche-t-il, hein? Ah ben, c'est excessivement curieux. On dirait qu'il essaie de compromettre tous ceux supérieurs, abbés ou simples curés qui l'approchent. Après une première visite, il leur écrit. Et c'est ainsi qu'il accumule les réponses flatteuses ou amicales. Constitue un dossier, ça. Ouais, cet exercice a semblé si étrange que d'aucuns ont imaginé que Touvier était alors une sorte d'espion. Un espion de qui? De la police, qui avait du mal à recueillir des informations sur ces milieux très fermés. On a même imaginé qu'il menait des enquêtes pour la hiérarchie de l'Église. Mais ça me paraît complètement farfelu. Non, je crois plus simplement que Touvier essayait de grossir son dossier de moralité en accumulant ses témoignages amicaux. Oui, des témoignages qui compromettaient donc aussi ceux qui les délivraient. Et parfois, lorsque l'ancien milicien sentait le terrain favorable, Touvier n'hésitait pas à se dévoiler et à se présenter comme un réprouvé, une victime des communistes ou des juifs. Dans les cercles intégristes, ça, j'imagine. Ouais, bien entendu. Quant à Mgr Duquerre, lui, il s'est décidé à solliciter le monde politique. Mais à quel niveau Le prélat s'adresse d'abord à un député du Rhône, un gaulliste, ancien résistant. À Charles pour lui d'intervenir auprès de Pierre Messmer, qui est alors ministre des armées. Mais le général de Gaulle est encore au pouvoir, et vous savez ce qu'il pense de tout. 12 balles dans la peau. Oui, c'est en effet ce qu'il aurait dit, mais il en faudrait plus pour décourager Duquerre. Son prochain objectif, c'est un grand bonhomme, Edmond Michelet, chrétien fervent, ancien déporté, plusieurs fois ministre, et réputé pour son sens de la justice et de la charité. Moi, je crois même qu'on a pensé au Vatican à le béatifier. Hein? Parfaitement exact. Mmh. Mais malgré un abondant échange de courriers et l'intervention d'un véritable réseau d'ecclésiastiques, Michelet, se fondant sur des arguments juridiques, ne se laisse pas attendrir. Alors Ducaire intercède en faveur de son protégé auprès de nombreux autres politiciens, Debré, Foyer, Bénouville, j'en passe. Mmh, mais toujours sans succès. Cependant, l'élection de Georges Pompidou va changer la donne. Ducaire fait jouer toutes ses relations et arque de sa qualité d'homme d'église pour réclamer la grâce de Touvier. Il faut en effet savoir que Monseigneur Ducaire est devenu le collaborateur de Jean Villot, secrétaire d'État au Vatican. C'est-à-dire le numéro 2 du Saint-Siège, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Mmh. Et en 1971, sous la pression de son entourage, Pompidou va finir par signer la grâce de Touvier. C'est d'autant plus étonnant que préalablement, un commissaire de police a remis à sa hiérarchie un rapport accablant sur Touvier. Quelques mois après la révélation dans la presse que Touvier a bénéficié d'une mesure de grâce présidentielle, Georges Pompidou, au cours d'une conférence de presse, s'en explique. Et voici ce qu'il déclare. Notre pays, depuis un peu plus de 30 ans, a été de drame national en drame national. Ce fut la guerre, la défaite et ses humiliations, l'occupation et ses horreurs, la libération et par contre-coup, l'épuration et ses excès, reconnaissons-le. Et puis, la guerre d'Indochine, et puis l'affreux conflit d'Algérie et ses horreurs des deux côtés, et l'exode d'un million de Français chassés de leur foyer, et du coup, l'OAS et ses attentats et ses violences, et par contre-coup, la répression. Alors, ayant été dénoncé par les gens de Vichy à la police allemande, ayant échappé deux fois à un attentat de l'OAS, une tentative d'attentat une fois aux côtés du général de Gaulle et l'autre fois à moi destiné, je me sens le droit de dire « Allons-nous éternellement entretenir saignantes les plaies de nos désaccords nationaux ? Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchiraient et même s'entretuaient ? Et je ne dis pas cela, même s'il y a ici des esprits forts, par calcul politique, je le dis par respect de la France. » Une déclaration présidentielle qui ne parviendra toutefois pas à faire taire la polémique, d'autant plus que Touvier a une fois de plus disparu. Ce policier qui a enquêté sur Touvier, c'est bien Jacques Delarue, hein, un spécialiste des crimes de la Gestapo. Oui, Delarue qui, vous le savez fort bien, a publié de nombreux ouvrages sur le sujet. Et son enquête ne laisse aucun doute sur la nature des crimes commis par l'ancien milicien. Mais est-ce que Pompidou, avant de signer la grâce de Touvier, a pris connaissance du rapport Delarue ? Personnellement, vous voulez dire ? Bah oui. Bah, je ne sais pas. Mais au ministère de la Justice, on l'a lu, c'est certain. Toutefois, les plus grands personnages de l'Église exercent une telle pression qu'on va se laisser fléchir. Et garder le rapport Delarue sous le coude. D'autant plus que le colonel Rémy, dont je vous ai déjà parlé, se décide lui aussi à intervenir en personne. Le résistant a rencontré Touvier. Celui-ci est venu avec sa femme et ses deux enfants. Pour émouvoir Rémy, quoi. Ah, naturellement. Mm-hmm. Et ça marche. Et je pense que ça va jouer un grand rôle dans le fait que Pompidou se résout à signer la grâce. Ça et une autre intervention de poids, celle de l'ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, René Brouillet, ancien condisciple de Pompidou à l'école normale. Mmh, et un ambassadeur qui n'a pas envie de contrarier Ducaire, éminent collaborateur du cardinal Villot. Hein. Voilà, bref, Pompidou, qui n'avait jamais dû entendre parler de Touvier, se laisse circonvenir et signe. Mais c'est la suite qui est intéressante. Quand la mesure de grâce intervient et est publiée au journal officiel en 1971, personne, ou presque, ne remarque ces quelques lignes noyées au milieu d'un fatras de textes législatifs ou réglementaires. Toutefois, c'est un événement extérieur qui précipite les choses. Mais quoi alors ? Le criminel de guerre, Klaus Barbie, a été identifié en Bolivie par Bert Klarsfeld. Et votre confrère, Ladislas de Hoyos, a même réussi à le filmer. Un joli scoop, je me souviens. La nouvelle a fait grand bruit. Hein. Et un autre journaliste, le grand reporter Jacques de Rogy, se rend à Lyon afin d'interviewer des résistants victimes de Barbie. Et c'est alors que l'un d'eux lui raconte qu'il existe un autre criminel de guerre dans la région. Un type qui vient d'être gracié par Pompidou, Touvier. Le journaliste comprend aussitôt l'importance de l'information. Et après une minutieuse enquête, il parvient à localiser Touvier et même à le photographier en usant d'un subterfuge. Ouais, nouveau scoop. Oui, un scoop retentissant, publié dans l'Express. De Rogis, relayé ensuite par le Canard enchaîné, déballe tout. Les crimes de celui qu'il appelle le bourreau de Lyon et la protection dont il a joui auprès des plus hautes instances religieuses. Ah, et là, c'est le scandale. Un scandale retentissant. Les anciens résistants donnent de la voix. La presse dénonce ce nouveau Tartuffe qui a si bien menti. Et assez sagement, Touvier comprend qu'il lui faut disparaître et quitter à nouveau cette maison familiale qu'il pouvait enfin occuper légalement depuis sa grâce. En même temps, c'est une véritable tempête qui souffle sur la hiérarchie religieuse, d'autant que la presse révèle que pendant des années, Touvier, sous son pseudonyme, a été domicilié à l'adresse de l'archevêché de Lyon. Ça, c'est aussi très étonnant et en même temps très embarrassant. Oui, hein. Et le nouveau primat des Gaules s'empresse de se désolidariser du protecteur de Touvier, Monseigneur Ducaire. Ducaire qui n'hésite pas à reconnaître sa responsabilité dans toute cette affaire. Quoi qu'il en soit, ce premier mea culpa de l'Église n'empêche pas Touvier et sa petite famille de demander à nouveau l'hospitalité des institutions religieuses. L'hospitalité, mais aussi les soutiens financiers. Et qui l'obtient ? Effectivement. Et pas auprès des plus progressistes, comme vous pouvez l'imaginer. J'imagine, oui. Le couvent, presbytère, au prieuré, Touvier va ainsi demeurer caché pendant 17 ans. Ouais. Et quand on l'apprendra, c'est un nouveau scandale qui secouera l'Église de France. L'Église qui réagira en demandant un rapport à un collectif d'historiens incontestables. Nouveau mea culpa. Mea culpa nuancé. Toutefois, n'allons pas trop vite. Tandis que Touvier se cache, son dossier s'étoffe considérablement. C'est-à-dire, alors? Le scandale a ravivé les souvenirs. Un ancien résistant se rappelle, par exemple, d'une vaste rafle opérée par les Allemands sur un marché de la région de Chambéry. À côté des soldats, il y avait deux hommes en civil. Deux Français qui contrôlaient les identités et demandaient même aux hommes de se dévêtir afin de vérifier s'ils étaient ou non circoncis. Or, l'un d'eux, c'est certain, était Touvier. Et comment alors cet ancien résistant, peut-il en être aussi sûr? Parce qu'en 1940, ils ont été mobilisés ensemble. Ah oui, ce résistant est Touvier. Donc il le connaît bien. Et ça lui vaudra d'ailleurs de rester en liberté. Mmh. Mais une cinquantaine d'hommes seront arrêtés et déportés. Seule une poignée reviendra des camps. Cependant, c'est une découverte inopinée qui va accabler Touvier. De quoi voulez-vous parler là? Je vous explique. Après la fuite précipitée de Touvier, sa maison a été pillée. Or, l'ancien milicien y avait abandonné en particulier une bande magnétique très compromettante, l'enregistrement d'un entretien avec Monseigneur Ducaire. Mais pourquoi cet enregistrement, hein? Le prélat préparait alors le dossier de défense de Touvier. Et il avait besoin de détails sur le passé du milicien. Oui, mais des détails qui devaient plaider en sa faveur, non? Évidemment. Et là encore, comme lors de sa demande de grâce, Touvier va commettre une erreur fatale. En relatant un épisode qui, estime-t-il, doit prouver sa générosité, mais qui va se retourner contre lui et qui justifiera plus tard son inculpation pour crime contre l'humanité. Mais ça mérite une explication. Là. Il s'agit de la fameuse affaire de Rieux-la-Pape. Une affaire qui, il faut le souligner, n'avait pas été mentionnée parmi les faits qui lui avaient valu ces deux condamnations à mort. Et même la minutieuse enquête du commissaire de la rue ne l'évoquait pas non plus. Voilà. C'est Touvier lui-même qui va, malgré lui, se passer la corde autour du cou? Exactement. Alors, voyons ça de plus près. Mm-hmm. Le point de départ, c'est l'exécution fin juin 1944 de Philippe Henriot. Ouais, un dirigeant de la milice. Qui est aussi secrétaire d'État à l'information et éditorialiste sur l'antenne de Radio Paris. Radio Paris, mon Radio Paris est allemand. Oui, ça c'est Pierre Dac qui lui répondait avec un humour féroce sur Radio Londres. Henriot est un polémiste redoutable qui intervient deux fois par jour sur Radio Paris et vilipende les terroristes de la résistance, les juifs et les alliés. Avec talent, malheureusement. Oui. Donc c'était une cible naturelle pour la résistance. Évidemment. Et donc, fin juin, un commando particulièrement audacieux parvient à pénétrer chez lui et là-bas. C'est un véritable choc à Vichy et dans les milieux de la collaboration. Et un peu partout en France, malgré l'imminence de la libération, on célèbre, à l'initiative du gouvernement, des messes pour Henriot. Des messes où assistent quelques-uns des plus hauts personnages de l'Église, dont l'archevêque de Lyon, le cardinal Gerlier. Tandis que, dans les rangs de la milice, on cherche surtout à se venger. Forcément. Et c'est là que va intervenir Paul Touvier. Une parenthèse d'abord. Dans de nombreuses villes de France, les miliciens vont chercher des otages parmi les personnes déjà arrêtées ou soupçonnées de faits de résistance. Et ça se termine par des exécutions sommaires. Oui, et Touvier ne va pas agir autrement. Hein. Bien sûr. Mmh. Et il va personnellement envoyer à la mort 7 juifs lyonnais. Mais plus tard, l'ancien milicien va habiller ses crimes de mensonges et donnera de ses représailles une version enjolivée, si j'ose dire. Pour atténuer sa responsabilité. Et pour se montrer sous son plus beau jour. D'ailleurs, osera-t-il dire lors de son deuxième procès en 1994, les vrais responsables n'étaient-ils pas d'abord les gens de Londres, ceux qui avaient donné l'ordre d'exécuter Philippe Henriot? L'historien Jean-Pierre Azéma, spécialiste de la période de l'occupation, a fait partie de la commission mise en place en 1989 par le cardinal de Courtrai, commission chargée de faire la lumière sur les rapports ambigus entre l'Église et Touvier. Dans une interview à la revue L'Histoire, voici ce qu'Azéma déclare. Paul Touvier a d'abord été aidé par des réseaux catholiques. Il a pu en effet bénéficier du soutien matériel d'une organisation caritative catholique, trouver un abri dans un certain nombre de couvents et bénéficier de l'aide quasi inconditionnelle, du moins jusqu'en 1972, d'ecclésiastiques qui se sont organisés en un groupe de pression autour, notamment, de Mgr Ducaire et d'un des secrétaires de l'épiscopat, Mgr Gouette. Mais il s'agit là de minorités agissantes qui n'engagent pas l'Église en tant que telle. La hiérarchie, pour sa part, n'est pas directement concernée, et si le cardinal Villot ne fit pas toujours montre de tout le discernement et de toute la prudence nécessaire, il sut se dégager à temps de ce qui risquait d'être un mauvais pas. Après 1972, Touvier en est réduit à chercher exclusivement ses soutiens dans la mouvance traditionnaliste, surtout dans des communautés bénédictines ou intégristes. Alors, en dehors de cette affirmation ridicule de Touvier se défaussant sur la France libre, comment l'ancien milicien peut-il se défendre? Ben, il met en cause la Gestapo. Ce sont les Allemands qui, dit-il, ont exigé que 100 otages soient exécutés pour venger la mort de Philippe Henriot. Malheureusement pour Touvier, aucune source ni aucun document allemand n'ont confirmé cette version. Et d'ailleurs, l'assassinat d'Henriot concernait plus la milice que la Gestapo. Exactement. Hein. Enfin, continuant. Toujours la version de Touvier. Oui, oui, oui. D'accord. La Gestapo aurait chargé la milice de ses représailles. Le chef direct de Touvier, un certain Victor de Bourmont, décide qu'il n'y aura que 30 otages fusillés. Ouais, 70 de moins, donc. Et à son tour, il ordonne à Touvier de procéder au tri. Touvier, alors, il faut le rappeler, qui est chef du service de renseignement de la milice pour la région lyonnaise. Hein. Et c'est là le point le plus important. Touvier, toujours selon ses dires, aurait pris la décision de ne sélectionner que 7 otages à fusiller. 7 otages qui seront effectivement abattus. Hein. Et comme par hasard, ce seront 7 juifs. Ah ben oui. On en reparlera. Résultat, Touvier ne se présente plus comme l'homme qui a envoyé à la mort 7 innocents, mais comme celui qui a épargné la vie de 23 personnes. Ouais, c'est un bienfaiteur de l'humanité, en ce moment. Exactement. Et la Gestapo, enfin, toujours selon la version Touvier, aurait laissé faire, hein, parce qu'il y a quand même une sacrée différence entre 100 et 7. Ben ça, je suis d'accord avec vous, et ça prouve les mensonges de Touvier. Touvier qui veut se donner le beau rôle en prétendant qu'il a sauvé 23 vies, alors que, réellement, il a fait fusiller 7 juifs, des juifs qu'il a personnellement choisis. Alors justement, comment ça s'est passé, ça? Ben, il a organisé des rafles à Lyon, des rafles aux faciès. Des gens qui avaient des caractéristiques sémites, comme on disait à l'époque. C'est ça, oui. Et lorsqu'ils se sont trouvés dans les locaux de la milice, c'est Touvier, en personne, qui a trié. Oh, d'une façon fort délicate. Il est passé devant les otages, préalablement dévêtus, et délicatement, du canon de sa mitraillette, il a soulevé leur sexe pour vérifier s'ils étaient ou non circoncis. Très élégant, en effet, oui. Et dès le lendemain, des miliciens les ont conduits à Rieux-la-Pape et les ont exécutés devant le mur du cimetière. Sur ordre de Touvier, hein? Bien sûr. Ouais. Était-il présent? Écoutez, franchement, je ne sais pas. Mais c'est lui qui a fait l'appel avant que ces malheureux montent dans les véhicules de la milice. Il est donc entièrement responsable. Et les autres, les membres du peloton d'exécution, n'ont fait qu'obéir à ses ordres. Ouais, ce qui est déjà pas mal, hein. D'accord. Enfin, quoi qu'il en soit, la révélation de cette affaire en 1973, grâce à cet entretien enregistré entre Touvier et Mgr Ducaire, provoque un vrai tollé. Mmh. Touvier qui a alors déjà disparu dans la nature. Hein. Depuis plus d'un an, oui. Mmh. Et des familles de ces sept juifs déposent des plaintes. En effet, il y a dans ces aveux involontaires tous les éléments constitutifs d'un crime contre l'humanité. Mmh. Donc après ces dépôts de plaintes, la famille des juifs, Touvier va être à nouveau activement recherché ? Bah, activement, c'est un bien grand mot. D'autant que la justice tergiverse. Pourquoi ? Bon, écoutez, je vous passe les détails qui sont assez fastidieux, mais en gros, il s'agit de savoir si Touvier peut être, oui ou non, poursuivi pour crime contre l'humanité. Et c'est seulement en 1981 qu'un juge d'instruction délivre un mandat d'amener contre l'ancien milicien. Mmh. Donc, 9 ans après sa découverte par Dorogie. Et c'est loin d'être fini. Et on peut savoir là, où se trouve Touvier pendant tout ce temps. Donc, je vais vous répondre dans une seconde avant. Je dois vous dire que Touvier a tenté de disparaître définitivement, au moins fictivement. Qu'est-ce que ça veut dire ? En 1984, je crois, la presse locale publie dans son carnet nécrologique un avis de remerciement de la famille Touvier. Ah oui, Touvier qui veut faire croire à sa mort. Oui, mais enfin, la manœuvre a fait long feu. Alors, m'avez-vous demandé où se trouve-t-il ? Eh bien, il ne déroge pas à ses vieilles habitudes. Il se dissimule de couvent en prieuré. C'est un vrai réseau de religieux qui s'est mis à son service. On a estimé que Touvier disposait d'une 50aine d'adresses. Alors, il changeait sans cesse de lieu. Ah oui, il était très prudent. Mais il fallait aussi de l'argent pour vivre. Ah ben là encore, il se débrouille. Il reçoit tous les mois une mensualité qui lui est versée secrètement par ses chevaliers de Notre-Dame que j'ai déjà évoqués. Naturellement, cet argent ne lui est pas adressé directement. Il emprunte un cheminement très compliqué afin qu'on ne puisse remonter jusqu'à lui. Et c'est pourtant cette mensualité qui finira par le perdre. Mais encore un petit peu de patience. Mm-hmm. En 1988, un nouveau juge d'instruction prend possession du dossier Touvier, le juge Grelier. Et ça va tout changer. Parce qu'il est, lui, il est plus déterminé que ceux qui l'ont précédé ? Ben ça, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, il s'étonne. Pourquoi, au bout de tant d'années, la police n'a-t-elle pas encore réussi à mettre la main sur Paul Touvier ? Alors, sans le dire explicitement, il imagine que l'ancien milicien dispose de protection. Au sein de la police ? Bah, je vous ai déjà dit qu'il avait eu des relations très étroites avec des policiers, des renseignements généraux. Ouais, c'était même, selon vous, un indicateur. Oui, hein. Il n'hésitait pas à fournir des informations sur ceux-là même qui l'aidaient. Mmh, toute cette mouvance d'extrême droite. Effectivement, intégriste, lepéniste, etc. Il n'est même pas exclu que Touvier ait eu aussi des contacts avec les services secrets. Enfin, quoi qu'il en soit, le juge Grelier décide de retirer l'enquête à la police pour la confier à la gendarmerie. Et à partir de ce moment, ça va aller très vite. Parce que Touvier ne va plus bénéficier de protection. Ou d'informations lui permettant d'échapper aux recherches. On peut le penser, oui. Et le nouveau patron de l'enquête, un colonel de gendarmerie nommé Recordon, est décidé à aboutir. Encore une fois, je vous passe les détails, mais le colonel s'intéresse à cette confrérie des chevaliers de Notre-Dame fondée, je vous le rappelle, par un prêtre qui était l'aumônier de la milice et qui a été le premier protecteur de Touvier. Une confrérie, alors, plus ou moins secrète, hein ? Ah, pas du tout. Non seulement ses membres ont essaimé dans plusieurs institutions religieuses, mais ils sont reconnus par l'Église. Ce sont par exemple des chevaliers en grande tenue qui assurent le service d'ordre du chemin de croix annuel du cardinal Lustiger à Montmartre. Et tout ça, c'est très délicat pour les enquêteurs. Hein? Certainement, mais Recordon frappe un grand coup et obtient du juge Grelier l'autorisation de perquisitionner la demeure d'un dirigeant de l'ordre, un ancien Waffen-SS. Et là, en plus de la découverte de plusieurs souvenirs de la division Charlemagne, les gendarmes mettent la main sur des documents comptables qui font état de mystérieux versements mensuels. Mais c'est la pension de Touvier. À partir de là, l'enquête s'emballe, les gendarmes remontent la piste. Dans un couvent proche de Châteauroux, ils ratent un peu Touvier, mais découvrent ses malles. Ah, il n'a pas eu le temps de les emporter. C'est ça. Des malles où se trouvent des documents où Touvier exprime en particulier un antisémitisme virulent. Ah, il n'a pas changé. Ah bah non, non. En tout cas, dès le lendemain, le colonel Recordon arrête Touvier dans un prieuré de Nice. Il y était arrivé la veille avec sa femme et ses deux enfants. Il va donc enfin pouvoir être jugé. Hein? En 1992, la chambre d'accusation de Paris examine le dossier. Et à la stupéfaction générale, les magistrats prononcent un non-lieu et ordonnent la remise en liberté de Touvier. Ah, que s'est-il passé là ? Les magistrats qui ont dû lire les livres d'histoire en diagonale estiment que le crime contre l'humanité n'est pas fondé. Car, écoutez bien, l'exécution des 7 juifs de Rieux n'a pas été effectuée au nom d'un État pratiquant une politique d'hégémonie idéologique. Ah oui, Touvier, mais aussi Vichy, sont absous. Mais c'est à peu près ça, oui. À la lecture de l'arrêt, on peut même se demander si la collaboration a vraiment existé. Heureusement, le procureur général Truche obtient la cassation de ce non-lieu qui a fait scandale. Et en 1994, Touvier comparaît enfin devant la cour d'assises de Versailles. Et là, il va être condamné. Pour complicité de crimes contre l'humanité. Un crime imprescriptible qui lui vaut la réclusion à perpétuité. Les magistrats de Versailles, contrairement à leurs collègues de Paris, ont en effet estimé que l'État vichysois était devenu à partir de 1944 un État milicien dont les tendances totalitaires ne pouvaient faire aucun doute. Darnand, chef de la milice, tout en étant responsable du maintien de l'ordre, avait souhaité la victoire de l'Allemagne. Oui, il avait même prêté serment à Hitler. Hein. En outre, souvent, les miliciens avaient combattu la résistance aux côtés des Allemands. La condamnation de Touvier avait donc aussi une valeur de symbole. Le devoir de mémoire, même si c'est une expression, à mon avis, qu'on utilise de façon un peu abusive. Enfin, peu importe, c'était une réparation importante pour les familles de ces juifs exécutés sur l'ordre de Touvier. Touvier dont les pourvois en cassation ont été rejetés. Un dernier mot, si vous le permettez. L'ancien milicien, comme vous le savez, est mort en prison 2 ans après son procès. Un bon millier de personnes a assisté à une messe dans l'église Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris. Ouais, ça, c'est l'église investie par les intégristes. Et à cette occasion, l'abbé Laguéry a prononcé une longue homélie où, se faisant l'avocat de Touvier, il a osé parler de son âme délicate, sensible et nuancée. Puis il s'est livré à une attaque en règle contre la République et les francs-maçons. Ouais. Et qui assistait à cette messe? Bon, on y a vu des vieux pétainistes, le prince de Bourbon-Parme, mais aussi un député, le maire de Montfermeil, suppléant du ministre de la ville, Éric Raoult. Celui-ci, je dois le préciser, a regretté la présence de son suppléant à cette messe intégriste, dite à la mémoire du premier Français condamné pour crime contre l'humanité. Je voudrais, pour finir, vous lire un extrait d'une interview de Touvier, recueillie clandestinement en 1980, par 2 journalistes du quotidien de Paris, et c'est un texte qui résonne étrangement aujourd'hui. Je ne dis pas que tous les maquisards étaient des terroristes, mais c'était le terrorisme international qui commençait. Vous le savez aussi bien que moi, il y a eu beaucoup d'Espagnols rouges dans les maquis. Vous êtes d'accord? La subversion a cherché à supprimer quoi? Ce qu'on appelle une élite. On a cherché à tuer le notaire, le médecin, l'avocat, etc. C'est ce que la subversion avait déjà commencé à faire avant la libération.